Quand la dernière fois que vous êtes sorti, depuis quand il t'a pas ramené au resto? C'est quand la dernière fois qu'il t'a dit t'es belle? C'est quand la dernière fois qu'il t'a fait l'amour? Tout ça, ça fait longtemps. Et toi, tu persistes à rester. Bébé, je peux t'offrir mieux que lui. Oh, oh maman, laisse-moi apprécier. Tu mérites le bonheur de l'amour sans compter. Il ne sait pas te combler, ou plutôt n'a pas l'envie. Laisse-moi te faire sourire, je serai meilleur que lui, je te le promets. Tu dois être la priorité. Ouais, la priorité. À mes yeux, tu mérites mieux, bébé. Je veux faire de toi la reine de ma famille. Et comme un ange qui vient des cieux, bébé, laisse-moi recouvrir ton petit cœur fragile. À mes yeux, tu mérites mieux, bébé. Faire de toi la reine de ma famille. T'es comme un ange qui vient des cieux, baby. Laisse-moi recouvrir ton petit cœur fragile. Laisse-moi gérer. Laisse-moi ma chance, non, non. Laisse-moi te montrer c'est quoi d'être aimé. Laisse-moi ton cœur quelques minutes, baby. Tu ne peux pas juste aimer sans être heureuse. Et lui t'empêche d'être heureuse. Pas te combler, ou plutôt n'a pas l'envie. Laisse-moi te faire sourire, tu serais meilleur que lui, je te le promets. Tu dois être la priorité. Ouais, la priorité. À mes yeux, tu mérites mieux, bébé. Je veux faire de toi la reine de ma famille. Et comme un ange qui vient des cieux, bébé. Recouvre ton petit cœur fragile. À mes yeux, tu mérites mieux, baby. Je fais de toi la reine de mes folies. Et comme un ange qui m'a déçu, baby. Faire de toi la reine de mes folies. Comme un ange qui vient des cieux, baby.